réfléchir et faire les bons choix. Alors ne vous précipitez pas. Ne tombez pas dans l'acidité. Prenez le temps de réfléchir. C'est une règle d'or dans la vie. C'est une règle d'or dans la vie. Réfléchir et faire les bons choix. Alors ne vous précipitez pas. Ne tombez pas dans la facilité. Prenez le temps de réfléchir. C'est une règle d'or dans la vie. Il arrive dans ville et il pète la gueule. Tous les gros méchants et tous les dingons qui font chier les gentils, les petits enfants. Il s'appelle Walker, Walker Passengers. C'est un américain, il est super gentil. Il a tout en raison, c'est un américain. Moi je voudrais être un homme comme Walker Texas Rangers pour taper les méchants avec pied. 1, 2, 3, moi je voudrais être un homme comme Texas Rangers pour taper les champs avec mes pieds. Walker c'est mon idole, Chivette c'est son copain. Des fois ils font de blagues, alors pour rigoler. Et surtout à la fin. J'aime bien quand ils se battent. Des coups de latte avec le gros pied. J'te jure c'est essayé. J'te jure j'ai essayé. C'est vraiment dur. Moi je voudrais être un homme Pascal Obispo, oh, oh. Comme le Texas Ranger, oh, oh. Moi je voudrais être un homme comme Walker Texas Ranger pour taper les méchants avec les pieds. Moi je voudrais être un homme comme Walker Texas Rangers pour taper les méchants avec mes pieds. Élevé par les Indiens, il a de vrais pouvoirs. Il peut même taper les gens avec ses pieds. Il aurait même pu faire de la gymnastique. Sa copine elle est blonde, elle est même intelligente. Des fois elle réfléchit, c'est pour ça qu'il l'a choisi. Walker Texas Rangers. Moi je voudrais être un homme comme Walker Texas Rangers pour taper les méchants avec mes pieds. Moi je voudrais être un homme comme Texas Rangers pour taper les méchants avec mes pieds. Texas Rangers, être un américain, avoir une copine blonde. Moi je voudrais être un homme comme Walker Texas Rangers pour méchant avec mes pieds. Ne vous précipitez pas. Ne tombez pas dans la facilité. Prenez le temps de réfléchir. C'est une règle d'or dans la vie.